Nicole, demanda-t-il, marchons-nous ? On ne pouvait encore se prononcer sur la situation du boulet. Son immobilité apparente, le défaut de communication avec l'extérieur, ne permettait pas de résoudre la question. Peut-être le projectile déroulait-il sa trajectoire à travers l'espace ? Peut-être, après un court enlèvement, était-il retombé sur Terre ? Ou même, dans le golfe du Mexique, chute que le peu de largeur de la presqu'île floridienne rendait possible ? Cependant, une circonstance frappa Barbicane. La température à l'intérieur du projectile était singulièrement élevée. Le président retira un thermomètre de l'enveloppe qu'il protégeait et le consulta. L'instrument marquait 45 degrés Celsius. « Oui, s'écria-t-il alors, oui, nous marchons !» Cette étouffante chaleur transsude à travers les parois du projectile. Elle est produite par son frottement sur les couches atmosphériques. Elle va bientôt diminuer, parce que déjà, nous flottons dans le vide. Et après avoir failli étouffer, nous subirons des froids intenses. « Quoi ?» demanda Michel Ardan. « Suivant toi, Barbicane, nous serions dès à présent hors des limites de l'atmosphère terrestre. Sans aucun doute, Michel. » « Et alors ?» dit Michel Ardan. « L'ami Nicole a perdu ses deux paris. 4 000 $ puisque la Columbiade n'a pas éclaté. 5 000 $ puisque le projectile s'est élevé à une hauteur supérieure à 6 000. » On pouvait en effet observer dans 4 directions opposées, le firmament, par les vitres latérales et plus directement, la Terre ou la Lune, par les ouvertures supérieures et inférieures du boulet. Le doute n'était plus permis, les voyageurs avaient quitté la Terre. Les étoiles se détachaient, en point vif, sur le fond noir du ciel. « Et la Lune, dit Ardan, est-ce que par hasard, elle manquerait à notre rendez-vous » « Rassure-toi, répondit Barbicane, notre futur sphéroïde est à son poste, mais nous ne pouvons l'apercevoir de ce côté. » Ouvrons l'autre hublot latéral.